Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio Coups humains, un thème et 4 épisodes, à 17h et même à 23h. Cette semaine, on rediffuse « La diversité et les scènes françaises », une série de Stéphane Bonnefoy réalisée par Anna Schmuck. Au départ de cette série, il y a « Ceux qu'on ne voit pas », une filmographie où les rôles des Noirs racontent une société raciste qui s'ignore et des rôles d'esclaves qui ne disent pas leur nom. Il y a une culture bourgeoise et blanche et la rage de ne pas se voir au théâtre pour 30% de la population. Alors pour commencer, les personnages. Un maître de cérémonie comme une gifle, une metteuse en scène et une historienne, une comédienne amère, des metteurs en scène en action et un apprenti comédien. Ensuite, le décor, des coulisses, des humiliations, le souvenir de Kateb Yassine, Jean Genet ou Aimé Césaire, une troupe des cours de théâtre Rouen, Strasbourg et Bobigny. Aujourd'hui, premier épisode, on frappe les trois coups et il n'y a pas de quoi être fier. Décoloniser l'imaginaire du théâtre français. Un documentaire de Stéphane Bonnefoy et Anna Schmuck. Cérémonie des Molières. Mesdames et messieurs, 23 mai 2016. Depuis le théâtre des Folies Bergères, le maître de cérémonie, monsieur Alex Lutz. Je suis très fier de déclarer ouverte la 28e série, pardon. Alors on me précise à l'oreillette, oui, de vous rappeler, c'est une tragédie, de vous rappeler une des règles élémentaires du théâtre classique, l'unité de temps. L'unité de temps, et par les temps qui courent, l'unité du temps court de remerciement. Et oui, il s'agit aussi d'une émission de télévision, les Molières, donc pour les lauréats. Il ne faudra pas que vos remerciements ne dépassent une minute, vous le savez. Alors ça vous paraît peut-être un peu court, mais regardez plutôt ce qu'on a goupillé si vous dépassez ce temps. Nathalie, cette espèce de racisme d'omission systématique, il s'est cristallisé au moment des Molières. C'était tellement flagrant, et sur 86 nommés, il n'y avait qu'une seule arabe, c'était Sophia Arabe. Il y a quelque chose qui n'est pas possible. Je leur ai écrit, pas de réponse. Ils m'ont envoyé du matériel pour voter, pas de réponse. Avec le collectif Décoloniser les Arts, on a monté cette action pour dénoncer ce racisme d'omission systématique. Et c'était assez beau, hein. C'était une très belle manifestation, très pacifique. Juste des gens du milieu du théâtre, de toutes les origines, de toutes les couleurs de peau. Une totale mixité devant, avec des panneaux simplement qui dénonçaient le racisme d'omission, de ce qui allait se passer à l'intérieur de la cérémonie. Une ligne de barrière, une ligne de CRS, une autre ligne de barrière, puis les invités qui rentraient un peu tête baissée. Quelquefois un petit signe de soutien, quelquefois un petit peu d'agacement. Et à l'intérieur, la réponse des Molières a été de mettre un homme noir sur scène, 2 mètres de haut, très très large, habillé comme un videur, rebaptisé Touchy Toucha, donc débaptisé, Touchy Toucha façon Banania, et qui n'avait pas le droit à la parole, mais qui ne pouvait que toucher le corps des invités pour les faire taire. Voilà, et alors là, tout doucement, le temps imparti à Nathalie est déjà passé, elle n'a pas dit l'essentiel. Et moi, pour l'interrompre, j'invite Touchy Toucha. Qui peut-il être? On l'appelle ensemble. Touchy Toucha, Touchy Toucha, Touchy Toucha. Bonjour Touchy Toucha. C'est à vous. On peut l'applaudir. Enfin, et alors, pas les oublier. Il va se rapprocher de Nathalie. Cette magie possible. Et voilà, et il ne va les pas lui casser la gueule, il va intervenir par des petits Touchy Toucha. Voilà. C'est ça fait pas mal. C'est emmerdant. Voilà. Vous savez, quand vous êtes Isabelle Huppert, vous avez tout bien goupillé pour avoir une carrière impeccable. Ça vous gâche un peu le moment, donc réfléchissez. Merci Nathalie, merci Touchy Toucha. On fait tomber son Molière. Au revoir Nathalie, au revoir Touchy Toucha. Cette revendication-là, elle est hyper violente. Elle est liée à une histoire. Une histoire de notre regard, du blanc sur le noir, du nord sur le sud, du dominant sur le dominé, qui est juste insupportable. Et si le théâtre, la culture sont des endroits de création, de réinvention de nos imaginaires, de nos représentations, ce type de représentation-là, enfin, il faut tout faire pour lutter contre. David Bobet, directeur du Centre dramatique national Normandie-Rouen. Il y a comme une espèce de classification des arts. Le théâtre, qui est lié à la parole, qui est lié à l'intelligence, qui est donc lié au pouvoir, qui est donc lié aux politiques, est à l'endroit du privilège blanc. Comme l'opéra, qui raconte un espèce d'entre-soi, qui, enfin, même malgré toutes les tentatives pour l'ouvrir, qui continue à être un endroit fait par des blancs, pour des blancs, et c'est dans des proportions assez dingues. Quelquefois, on voit un opéra, on voit 100 personnes sur le plateau. 100 personnes, 100 blancs. Et ça ne pose de problème à personne. Par contre, il suffit qu'il y ait un noir dans un plateau, chez Pamra par exemple, pour que tout le monde se dise « Mais quelle est la signification dramaturgique de la présence de cet individu noir ?» Il y a quelque chose de complètement cinglé, alors qu'on ne se posera pas la question de « Oh, il n'y a que des blancs ». Cette espèce de discrimination est tellement neutralisée qu'on ne la voit même plus. Et donc il y a cette espèce de chose-là. Sur la musique, c'est intéressant, la musique qui s'écoute debout et la musique qui s'écoute assis. La musique qui s'écoute debout pourra être accordée à des afrodescendants, à la diversité, et la musique qui s'écoute assis, celle qui est sérieuse, non. Voilà, à part le jazz, mais sinon la musique, voilà, savante, absolument pas. C'est la question du savoir, la question du pouvoir, et puis la question aussi de là où on accepte la représentation du corps noir, par exemple. L'endroit de la danse, l'endroit de la musique, l'endroit du corps, de l'animalisation, de la sexualisation. C'est épuisant. Bien sûr qu'il y a du racisme, mais un racisme paternaliste, un racisme... gentil, c'est-à-dire celui avec lequel on a grandi, celui qui fait dire à Jules Ferry qu'il faut aller coloniser pour élever les autres peuples, pas celui de Gobineau qui dit les autres sont complètement inférieurs et voilà. Yasmine Modestine, diplômée en 1989 du Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique. Là, je viens de passer, depuis le mois de mars, des moments très intenses, que j'étais jurée au premier, au deuxième et au troisième tour. Donc j'étais vraiment de retour après longtemps dans la maison. Et au moment des résultats, je regardais tous ces jeunes gens heureux et d'autres qui pleuraient. Et mon expérience a été que le fait d'avoir le concours, c'est effectivement un des moments les plus forts de ma vie. Et un des jeunes hommes qui était reçu me disait « Je vais m'en souvenir toute ma vie ». Et je lui ai dit « Ah oui ». J'étais tout à fait consciente que j'étais métisse. Je l'ai toujours su. J'ai pas pensé que c'était ni un moins ni un plus, mais je savais que j'avais cette couleur différente des autres. Donc il fallait que je sois très très bonne, en fait. Mais je ne doutais pas à l'époque de ma foi, en fait. Et j'avais raison, puisque je l'ai eu. Et j'ai eu une première année fabuleuse avec un grand monsieur, Pierre Vial, qui a travaillé avec... Alors je dirais Aimé Césaire, mais qu'Aimé Césaire a fait venir en Martinique pour s'occuper du théâtre de la soif qu'il voulait créer, qui a travaillé avec Sonny Laboutancy, qui bien avant, quand il était à Saint-Étienne, directeur de Saint-Étienne, vous savez, à Saint-Étienne, c'est les grandes entreprises, et il y avait beaucoup de gens d'origine maghrébine qui venaient travailler là. Donc du coup, il avait des comédiens d'origine maghrébine, des comédiens métissés. Donc il avait depuis longtemps une conscience de tout ça. C'est aussi quelqu'un qui était engagé politiquement pendant l'Algérie. Voilà, donc moi j'ai eu la chance de tomber sur cet homme-là. La première année était sous sa protection. Et vraiment, vous savez, quand on est protégé sans même s'en rendre compte, j'étais vraiment sous sa protection. Là où les choses ont commencé à devenir un peu plus difficiles, c'est à partir de la deuxième année où je n'étais plus sous la protection de Pierre. Et on a changé de classe parce qu'il fallait avoir d'autres professeurs. Donc je suis allée chez Michel Bouquet. Et puis en troisième année avec Daniel Mesguich et Jean-Pierre Vincent. Et je ne suis pas tombée avec des gens qui avaient cette conscience des choses et qui en même temps faisaient une espèce de... La chose de Pierre, c'est le sentiment de la troupe. Donc du coup, il créait du lien. Ce qui empêchait les réflexions que j'ai eues après de fuser. Par exemple, Lorenzaccio. C'est extraordinaire, Lorenzaccio. Parce qu'on va parler d'emploi, là. Alors là, on est chez Musset. On va vous dire, ah ben oui, mais tu peux pas jouer Lorenzaccio. Lorenzaccio, c'est le héros de Musset. Et c'est celui qui va assassiner le duc. C'est Lorenzo de Médici. Il a existé, hein. Et il est, bon, on va dire blanc comme ça, dans un esprit romantique, romanesque. Il ne peut être que blanc, puisque nous sommes chez Musset au XIXe siècle. La chose, c'est qu'il assassine Alexandre. Et Alexandre de Médicis, Alessandro de Médicis, il est métisse. Mais personne ne va nous dire, Xavier, pour prendre quelqu'un qui était au conservatoire avec moi, Xavier Thiam, qui était métisse, ça, ce rôle est pour toi. Il est éminemment pour toi. Si Lorenzaccio n'est pas pour toi à cause de ta couleur, alors Alexandre ne peut pas être pour Guillaume de Tonquedec, je parle des gens de ma promotion, pour, à cause de sa couleur aussi, si on raisonne comme ça, vous voyez ? Mais ça, personne ne va nous le dire. Donc tout est blanc par défaut. Moi, j'ai pas eu le droit de jouer Juliette. On m'a pas dit, t'as pas le droit de jouer Juliette parce que t'es pas blanche. On va pas me le dire sciemment comme ça. Jamais. Mais je sais que ça, ça a joué énormément. Le seul pour qui ça n'avait vraiment aucune importance, et au contraire, c'était Pierre Vial, qui avait vraiment un défi. Et Michel Bouquet, qui voulait que je joue Cléopâtre. Et alors là, c'était merveilleux. Michel Bouquet voulait que je fasse Cléopâtre. C'était même pas une question de couleur, c'était une question de jeu. Je trouvais que ma grande souffrance irait bien au personnage. Et les élèves sont venus me demander de faire l'esclave dans Cléopâtre. Et là aussi, c'est quand même incroyable, on est en Égypte. Pourquoi l'esclave serait-il noir ? Ou métis, on s'en fiche, là. Et à moi, ils l'ont demandé à Xavier, qui aussi était métis. Voilà, c'est dire que ça, oui, bien sûr que c'est du racisme, c'est de l'ignorance. Mais l'ignorance, ça conduit aussi au racisme. Petit à petit, j'ai commencé à me... J'avais personne à qui parler, parce que j'ai vraiment senti que mon point de vue de femme, métisse, était un point de vue, je regardais le monde d'ailleurs. C'était une évidence. En fait, c'est épuisant d'avoir à répéter toujours la même chose. C'est-à-dire que... À chaque fois que l'on nomme ce racisme, cet héritage colonial dans notre regard, l'héritage de siècles d'histoire, lorsque l'on dénonce le racisme de mission dans la culture, la réaction est toujours la même. D'abord, c'est « mais non, mais n'importe quoi, dans la culture, on est ouvert, on est altruiste, on n'est pas raciste, bien au contraire. » Et puis, il y a une espèce d'agacement aussi, comme une espèce de... Les gens se sentent très vite très agressés parce qu'on remet en question leur propre regard, leurs propres imaginaires, leurs propres représentations. Aujourd'hui, on le sait, 30% de la population française n'est pas blanche. Et la culture de France continue à représenter une écrasante majorité de blancs, une culture faite par des blancs, pour des blancs. Jean-Marie Serrault, il y a 4 ans, vous nous présentiez la première pièce, la première œuvre dramatique, le premier poème dramatique de Katebiassine, La femme sauvage. Vous aviez fait la connaissance de Katebiassine 7 ou 8 ans plus tôt, en 1954, et c'est vous qui l'avez révélé au public français. Où, selon vous, il se situe par rapport aux tendances du théâtre actuel ? La force de son théâtre, c'est qu'elle nous oblige, nous autres Français, en particulier Européens, d'une manière plus large, elle nous oblige à être vus par les autres étant le tiers-monde. Je crois que jusqu'à maintenant, l'humanisme était synonyme d'homme occidental dans les cercles parisiens ou les cercles européens de théâtre moderne. La force des auteurs comme Kateb, c'est brusquement de nous ouvrir d'autres visions de l'histoire. Et ça n'est pas par hasard si ces nouvelles visions coïncident avec la décolonisation. Donc dans les années 60, Jean-Marie Serrault, donc il a à l'époque le théâtre de Babylone, c'est lui qui va faire venir, donc faire entendre, donner l'occasion en tout cas aux Nègres de Genêt, Sylvie Chalaï, que vient de monter Blin, d'être entendu. Donc c'est une action donc très très importante. On est dans l'entre-deux, hein, c'est la fin de donc de la décolonisation, en tout cas des actions de décolonisation, c'est la guerre d'Algérie, c'est 62 en gros. Et là, on est en 59 quand il fait jouer cette pièce. C'est vraiment une pièce qui pose quand même un certain nombre de questions liées au regard occidental sur l'Afrique, sur tout ce qui a à voir avec la construction des clichés, l'enfermement de l'autre et notamment donc de l'Africain dans ce qu'on peut appeler une identité d'assignation, c'est-à-dire lui imposer finalement l'image de lui-même que l'on a de lui en tant qu'occidental et auquel il doit répondre. Donc il a tout de suite cette intuition-là. Et d'abord, pour qu'on ne s'y trompe pas, cette scène, dès le lever de rideau, qui donne les clés de la pièce. La difficulté pour un être humain à accepter l'autre, celui qui est étranger. En 1955, pour dénoncer cela, et parce que la colonisation française bat son plein, Jean Genet écrit Les Nègres. La pièce va faire scandale. Jean Genet y caricature des Blancs au comportement raciste. Les préparatifs en sont commencés, mais laissez donc parler ce nègre. Voyez sa bouche qui baille. Tremblez, alors, secouez-vous. N'ayez pas peur de faire dégringoler les noix de coco qui pendent à vos branches. Tremblez, nègre. C'est une ruche. La grande force, effectivement, de Jean-Marie, c'est que non seulement donc il fait jouer les nègres, mais il va s'intéresser à des textes d'auteurs, justement, issus de l'ancien empire colonial, de ceux donc qui étaient définis comme les sujets de l'empire. Donc il parle de Kateb Yassine comme celui qui lui a ouvert les portes de l'Afrique, parce qu'il a découvert soudain qu'il y avait une autre façon aussi d'être présent en tant qu'occidental dans le monde, et que il fallait accepter le regard de l'autre sur soi, et que ça soit pas toujours le regard surplombant finalement de l'occidental sur l'Africain, mais que les Africains, donc les Maghrébins, enfin pour Kateb Yassine, donc c'était l'Afrique du Nord. Il montra également des pièces donc de Césaire. Bon, ça sera bien sûr La Tragédie du Roi Christophe, donc qui lui est martiniquais, et beaucoup d'autres pièces de ces auteurs-là qui seront du coup absolument essentielles, parce que on entre tout d'un coup dans la culture de l'autre, effectivement, dans son histoire. Et dans le regard que l'autre peut avoir sur la nation française, sa relation donc à la nation française. Alors aussi bien pour la découverte de la culture de l'autre que pour le fait aussi de distribuer justement des acteurs de toutes origines, de tous accents dans ses mises en scène. Et ça, il l'avait fait d'ailleurs très tôt, hein, dès les Brecht, puisque c'est le découvreur de Brecht, le découvreur d'Ionesco, le découvreur de Beckett. La France ne sera pas la France si elle dit noire ou française. C'est goût de Marie Scondé. La France ne sera pas une grande idée, rien qu'une triste réalité, tant qu'elle dira noire ou française. Mise en scène, Eva Doumbia. Pourquoi ça ne marche pas entre eux et nous? Soit on leur appelle leur mère, soit on lui ressemble pas assez. Une fille bien ne s'assied pas les jambes écartées. Même à Paris où tu vis. Oh. Une fille bien ne sourit pas tout le temps. Tu ne dois pas laisser croire que tu t'offres aisément. Une fille bien ne pleure pas sans raison. Fais jamais l'éloge d'un homme, hein. Ah, surtout si tu l'aimes. Super français, tous les gars. Super français, tous les gars. Super français, tous les gars. Super français, tous les gars. Super français, tous les gars. Ça fait 2 ans que je m'intéresse à la mémoire de l'esclavage. Je m'y intéresse comme n'importe qui pourrait s'y intéresser. Eva Doumbia. Et je m'y intéresse n'étant a priori pas plus concernée que quiconque, parce que quelqu'un d'autre qui serait blanc, puisque je ne suis pas descendante d'esclaves. En revanche, étant donné que je suis noire, dans une société française raciste, forcément je me suis posé la question du même que moi. Et donc forcément je m'intéresse à la question, à cette histoire-là qui est peu racontée. Or, en France, il n'y a pas de récit, de témoignage de gens qui ont vécu cette époque, qui subissaient l'esclavage. Il y en a aux États-Unis, en Angleterre, dans le monde anglo-saxon, il n'y en a pas en France. Donc forcément, en fait, comment est-ce que je vais essayer de travailler là-dessus? Je galère et je bricole. Il y a très peu de textes de théâtre qui prennent en charge cette question-là. Je dirais qu'il y en a 3 ou 4. Donc en fait, je m'intéresse à ça. Je m'intéresse aussi à l'histoire de la colonisation, pour des raisons très simple, c'est que mon père est né colonisé. Et qu'on m'a raconté des histoires à la maison. Et ces histoires, elles ne sont pas racontées ailleurs. C'est-à-dire, par exemple, j'ai appris par mon oncle que les gens qui fabriquaient les rails de la colonisation, toutes les infrastructures, n'étaient pas libres, puisqu'on appelait ça le travail forcé. Et en fait, peu de gens le savent, dans les gens qui partagent le même pays que moi. Mes concitoyens ne le savent pas, de ma génération ne le savent pas. Si on n'a pas un oncle qui dit « il me frappait quand on travaillait et il nous frappait aussi quand on ne travaillait pas » parce que ça a été prononcé, s'il n'y a pas quelqu'un qui le dit, en fait, ça n'est enseigné nulle part. Il n'y a pas de témoignage d'histoire sensible de ça. C'est-à-dire qu'on le sait, c'est abstrait, on a des chiffres, on a des faits, mais on n'a pas de choses intimes. Donc cette histoire-là, à un moment donné, je me suis dit « il faut quand même que je le partage avec d'autres ». Et parce que ça a aussi des conséquences, parce que l'absence des racisés sur les plateaux de théâtre, c'est la conséquence de ça. Donc en fait, c'est pas possible de s'intéresser, de militer pour une meilleure représentation si on ne s'intéresse pas aux racines historiques de cette absence de représentation. Et c'est là que ça blesse. C'est-à-dire que je dirais pas qu'il y a une volonté machiavélique d'empêcher que ces choses-là soient racontées. Donc en fait, aujourd'hui, je crois qu'on est la première génération qui a besoin de raconter d'où ils viennent aux autres. Parce qu'en fait, ça génère de la souffrance, ça génère de la douleur, ça génère une certaine manière d'être français aussi, d'être là. Et ça génère de la rancœur. Tous les gars, super français ! Tous les gars, super français ! Tous les gars, super français ! Tous les gars, super français ! Tous les gars, super français ! Tous les gars, super français ! Dans la continuité de Jean-Marie Serrault, il y a eu, donc, en 75, la création de la troupe du Théâtre Noir de Benjamin Jules Rosette. Benjamin Jules Rosette crée cette troupe justement pour poursuivre ce travail qui était celui d'aller à la découverte vraiment d'auteurs, de créateurs qui constituaient en fait une partie de la littérature et du répertoire national, mais qu'on ne connaissait pas. Avec une troupe constituée de beaucoup d'Africains et d'Antillais, et monter des textes d'Aimé Césaire, mais aussi de Metellus. Par exemple, il va monter le Zoulou de Chikaya Mutamsi. Simplement, au même moment, la montée donc de la sensibilisation liée à la question migratoire va faire que peu à peu, ce théâtre, qui en plus est dans le 20e, va être questionné comme un espace ghetto. Dans la presse, on se pose la question de la ghettoisation d'un lieu comme celui-là. Donc si le Théâtre Noir va finir sa vie donc dans les années 90, ça va durer de 79 avec le lieu Théâtre Noir jusqu'à 90, c'est que entre-temps apparaissent d'autres tentations. Donc il y a la création du Festival de Limoges, le Théâtre International de langue française, ça va être vraiment pour essayer de faire entendre des auteurs comme Sonny Laboutancy, Chikaya Mutamsi. On est dans cette logique-là. On voit bien qu'il y a effectivement une évolution entre une volonté de déghettoiser, de donner plus d'amplitude, et en même temps, donc le paradoxe, c'est qu'on se construit de nouveaux enclos, de nouvelles parcelles, finalement, alors qu'ils ne s'appellent plus Théâtre Noir. Donc on pense que tout va bien. Et donc du coup, ça devient les francophonies. Tout d'un coup, même les artistes qui sont complètement à l'intérieur de la nation française. Ce sont des artistes qui construisent la culture, la littérature et le théâtre français. Eh bien, on ne les envisage pas d'emblée pour les scènes contemporaines de notre théâtre national. Dieudonné Nyanguna, février 2017. Si on le pense en termes de noirs, on aurait l'impression que ça ne concernerait que les noirs qui ont vécu l'esclavage, alors que c'est une histoire humaine. De la même manière que le lendemain, ça va taper sur X, sur Y, pendant qu'on croyait que nous, on était protégés, l'autre était protégé, parce que c'est pas un problème de noirs, c'est pas un problème de blancs. Les bourreaux n'ont pas de couleur. Voilà pourquoi je reviens à l'essence humaine des choses. Mais si on le pense à l'endroit de dire que c'est un théâtre africain, c'est un théâtre de noirs, c'est justement là où, évidemment, on tue réellement l'essentialité de la parole, donc de la poétique des choses. C'est-à-dire, si on la caractérise en disant que Dieudonné vient du Congo, c'était un metteur en scène congolais, même s'il est français aujourd'hui, alors il fait son théâtre, on aimerait bien que les Africains soient là pour comprendre, mais C'est le contraire qui s'explique à cet endroit-là. Pourquoi ? Parce que ce qui est dit à l'intérieur, ce n'est pas la couleur de la peau. C'est tout le sens même qui dit que c'est une affaire humaine. Et le théâtre est là pour démontrer par A plus B que ce qui arrive à un humain est d'abord une relation humaine. C'est une histoire humaine complètement. Complètement une histoire humaine. Oui. Donc le théâtre enlève ce voile-là, la poésie. Toute la dramaturgie de comment on raconte une histoire, de comment on la raconte, permet évidemment de ne pas regarder. C'est aussi simple que ça, comme j'adore le kung-fu. Bruce Lee, je te montre le soleil, ne regarde pas mon doigt. Bah, moi j'ai mon doigt japonais, j'ai mon doigt africain, j'ai mon doigt français, mais je te parle du soleil. Et ce soleil-là, évidemment, il n'est pas la couleur de mon doigt. Eh bien, c'est exactement ça. Apprendre à décoloniser les esprits, apprendre à se décoloniser au théâtre, c'est ça. C'est-à-dire se considérer que, qu'il soit africain ou asiatique, que l'auteur soit africain ou asiatique, que les comédiens soient africains ou asiatiques, dans leur origine, dans leur apparaître, peu importe. Ce qui est important, c'est l'œuvre qui est là, de quoi ça parle. Et c'est ça notre démarche de décolonisation. Donc c'est pas seulement le fait de prendre acte d'un moment historique, donc de la fin d'un ordre pour un autre. C'est que cet ordre, il continue si dans nos esprits, on ne l'a pas modifié. Et du coup, c'est l'essentiel pour faire avancer tout cela. Parce que la grande question, qu'est-ce qu'on fait? Comment fait-on, etc. Mais je crois qu'il n'y a pas autre chose que la connaissance, en fait. On le sait. La Guinée est le seul pays d'Afrique francophone à se vanter de sa révolution socialiste. Les nantis ne roulent plus en voiture française, mais en Skoda ou en Volga. Dans chaque quartier s'élève un magasin d'État où l'on doit obligatoirement faire ses achats, étant donné que le commerce privé a été aboli. Maryse Condé, 2011. J'appartiens à une famille qui avait honte de parler de l'esclavage. Elle n'en parlait jamais. Mon père et ma mère ne m'ont jamais rien dit à ce sujet. Donc, pour moi, l'esclavage, c'est un tabou, une chose dont on ne parlait jamais. Puis, quand je l'ai découvert, compris, approfondi, j'ai eu envie qu'on en parle bien davantage, qu'on en parle partout, qu'on en parle le plus possible. Donc, finalement, il y a un côté de moi qui est très heureux qu'on en parle et qu'on le reconnaisse, mais en même temps, il reste un petit peu de gêne, d'embarras, comme si c'était une histoire très intime, très douloureuse. Mes parents, ou des gens plus jeunes peut-être, mais ayant les mêmes défauts, avaient un peu une sensation qu'ils n'étaient pas les victimes, qu'ils méritaient d'être esclaves à cause de leur barbarie, de leur sauvagerie, leur inculture. Mais j'ai un peu peur qu'à se sentir trop victime, ça enlève le goût de se battre et que quelque part, le sentiment de victimisation ne vienne tarir un peu la créativité. Chaque soir, il rentre les vêtements déchirés, couverts de sang, le visage tuméfié. Il a fallu que je te menace d'aller me plaindre au directeur pour que tu consentes à m'avouer la vérité. Sitôt hors de l'école. Au niveau des auteurs, est-ce qu'il y a des auteurs? Il y en a très peu. En France, il y a très peu. Il y a une autrice comme Leonora Miano qui a la liberté, en fait, d'en parler parce qu'elle n'est pas originaire de France. C'est-à-dire qu'elle n'est pas née, en fait, dans le silence. C'est-à-dire qu'elle est française par choix. Donc, en fait, elle a cette liberté, donc elle en parle. Maryse Condé a écrit un peu des pièces de théâtre, mais peu. Et si on regarde bien, Kofi Kwaole, il écrit du théâtre, il ne parle pas vraiment de ça dans ses pièces, il n'est pas né ici. En fait, les gens qui sont nés ici n'ont pas encore pris en charge ça. Et pourquoi? Moi, comment vous l'expliquez? C'est de l'autocensure? Oui, je pense. Moi, je sais qu'en fait, j'ai décidé d'écrire, pas mon prochain spectacle, mais celui d'après, ça sera un texte que j'écris qui, justement, fait part du désir de banalité d'une fratrie, en fait, qui a envie d'être comme tout le monde, en fait. Ce qui est une chose absolument impossible. On ne peut pas être banal quand on est noir en France aujourd'hui. On n'a pas accès à la banalité. Du coup, je pense qu'il y a une, il y a pas d'encouragement. Il y a pas d'encouragement. Par exemple, là, dans pas longtemps, je vais travailler sur les bananes, les tomates et les les pommes de terre, qui sont des aliments de la colonisation. C'est que personne ne sait que les bananes, il y en a pas en Afrique au départ. Ça vient d'Inde et que les noirs ne mange pas de banane, comme les singes ne mangent pas de banane. Et qu'est-ce que ça signifie, en fait, d'associer la banane au singe et au noir, en fait. C'est toute l'imagerie raciste et coloniale. En fait, quand je vais voir un programmateur, je vais dire, je veux parler des bananes, des tomates et des pommes de terre. Il me regarde avec des grands yeux. La banane, la pomme de terre et la tomate, je raconte toute l'histoire du monde actuel, en fait. Parce que c'était des aliments qui ne se mangeaient absolument pas aux endroits où on les mange aujourd'hui. Voilà. Strange how the colors can be distorted. Est-ce que vous diriez à la sortie du conservatoire que, après vos études, votre couleur de peau a nui à votre carrière, Yasmine Modestine? Alors, dit comme ça, moi je peux vous dire oui, mais le problème c'est que si je dis oui, j'entends déjà certains de vos auditeurs dire « Ouais, mais tout est une question de talent, elle avait qu'à avoir le talent ». Bon, alors je rappelle comme ça au passage que j'ai quand même eu le conservatoire, donc j'en avais assez pour l'avoir, et subitement quand j'en sors, j'en ai plus, c'est bizarre. Et si j'étais la seule? Mais le problème, c'est qu'on est un certain nombre de ces années-là à être confrontés exactement aux mêmes choses. Il n'y a pas de gens comme vous. On est effectivement très avifs sur ces choses-là. Il faut faire attention à la manière dont on nous parle aussi. C'est comme si on n'avait pas le droit, nous, d'être sensibles. Moi, l'image que j'ai toujours eue, c'est la nounou, pendant l'esclavage, qui porte tout, qui console madame qui a ses vapeurs. Enfin, vraiment. Et ça, je l'ai vécu un certain nombre de fois. Et si, encore une fois, si j'étais la seule, on pourrait se dire, bon, ben, t'as pas de bol, ou alors tu te fais des idées. Mais non, c'est que vraiment, c'est une constante où j'entendais d'autres dire, bon, ben, ça va bien. Il y a ça, il y a les rôles de prostituée, il y a des choses qui reviennent. I need an evolution, maybe. Nous avons Léopold donc, qui présente le deuxième tour du CNSAD vendredi et samedi, et sa réplique qui est Malika, donc dans une scène de Shakespeare, Richard III, la scène entre Lady Anne et Richard III. Et Francis, alors? Donc quel est son parcours, la meilleure, il en est où? Francis est inscrit à la fac, et donc je crois qu'il est en deuxième année à l'université, et là c'est sa première année en classe prépa à Bobigny, et il est inscrit aussi à la MC 93 dans un atelier théâtre amateur. T'allais presque, tu vois, l'embrasser, ou j'en sais rien, tu vois ce que je veux dire, et que de là, pour que elle te crache dessus. Madame, celui qui vous a pris votre mari l'a fait pour vous en donner un meilleur. Nomme-le. Plantagenet. C'était lui. C'est un du même nom, mais il est de meilleure nature. Où est-il? Ici. La première pièce que j'ai vue, il y avait deux blancs sur scène, quoi. Francis Tambois. Genre les 12-15 acteurs, il y avait deux blancs sur scène, quoi. Ouais, c'était des noirs, des arabes, des chinois, des roumains, je sais pas, mais. Et c'était ça qui était magique. Et du coup, bizarrement, mais du coup, j'ai l'impression que j'arrivais plus facilement à rentrer dans l'histoire. Qui était pourtant l'histoire du malade imaginaire, où voilà, il est pas malade, mais il se croit malade, enfin, tout ce truc-là. Où à la base, quand je l'ai vu, je l'ai déjà vu cette pièce-là pourtant, et ça m'a pas autant parlé que là, ça m'a parlé en fait. On a tous besoin, en tant qu'humain, de pas de rentrer dans des cases, mais de se reconnaître, de se voir un peu, voilà. Savoir ça c'est pour eux, ça c'est pour ci, ça c'est pour ça. Et le théâtre, c'est pas pour les blancs. Le théâtre, c'est pas pour les arabes, le théâtre, c'est pas pour les noirs, le théâtre, c'est pour tout le monde. Et le fait de voir le malade imaginaire pour tout le monde, je crois que c'est ça qui a fait que je me suis dit, je peux aussi le faire, et j'ai aussi envie de le faire. Donc je crois pas que ce soit à cause de ma maturité, ou le fait que je sois au lycée. Non, c'était vraiment la façon dont ça a été fait, et comment ça a été présenté. Et donc, c'est le fait que ce soit fait au lycée, avec un casting diversifié, avec des noirs, des arabes, des blancs, des chinois, des tout. C'est ça qui a fait que moi, mais pas que moi, et que toutes les personnes qui étaient dans la salle se sont vues à travers cette pièce. On dit que c'était une très belle pièce et ont eu envie de soit d'y participer, soit de la revoir, parce que ça s'est refait deux fois. Et puis après, depuis cette année-là, et depuis même nous, bah, tout le temps, ma prof nous dit, on fait limite des castings pour que les gens entrent au théâtre ou pas. On se retrouve avec des classes de 40 élèves des fois au théâtre, alors que c'est une option. C'est une classe, quoi. Ça, et même l'année d'après, nous, quand j'ai fait du théâtre, on a monté l'Avare. Et c'est, j'ai joué l'Avare. Et même d'un extérieur, les gens qui sont venus nous voir, ils nous disent la même chose, quoi. Il y avait un monsieur, j'ai oublié son prénom, mais qui va souvent en théâtre, qui est abonné à MC93, tout ça. Et il m'a fait cette réflexion-là. Il m'a dit c'était cool de voir l'Avare en noir. Je sais pas pourquoi j'ai trouvé ça drôle. Et je trouve ça toujours drôle, mais ouais, c'est. Ça pose plein de questions, quoi, de dire ça. Juste d'avoir cette réflexion-là, c'est cool de voir l'Avare en noir. Et toi, tu n'es pas fait pour d'autres lieux que l'enfer. Si, un autre, si vous voulez bien me l'entendre nommer. Quelques cachots ? Votre chambre à coucher. Que l'insomnie s'abatte sur la chambre où tu couches. Elle le fera, madame, jusqu'à ce que je couche avec vous. Je l'espère. Alors, attends. On va reprendre ça. Ouais. D'accord. Donc, pas mal, hein. Là, pour le coup, toi, Richard, prends le temps aussi, justement, de la regarder. Toi, le chat, aussi, dans son... Il faut que ça continue à être un jeu. Il faut aussi que toi-même, tu fasses monter le plaisir intérieur, la jouissance de ce jeu. Donc, pour se détacher, incroyablement, un charisme, une aisance. Et Nicolas Bigard. Ça m'a sauté aux yeux. Je me dis, mais il faut que je le rencontre, ce jeune homme. Et puis, j'en ai parlé ensuite à sa prof, Ismini, qui m'a dit, mais voilà, il y a chez lui... une sorte de naturel et de sorte d'intuition de justesse. Donc très vite je l'ai rencontré sans forcément penser à la classe prépa au départ, mais parce qu'on a créé une classe, un atelier plus précisément pour les jeunes gens qui souhaitent continuer à faire du théâtre après la terminale. Et ce qu'on a essayé de faire à Bobigny, puis un peu plus largement Drancy, Bondy, Noisy-le-Sec, c'est déjà essayer de créer une chaîne comme ça, un réseau où on se parle de ce que l'on fait et des jeunes gens qu'on rencontre. Voilà. Et là, c'est là qu'on se rend compte qu'il y a des talents, des envies déjà. Parlons pas tout de suite de talents, mais il y a de l'envie. Ils ne savent pas, quand ils sont au lycée, qu'il y a des écoles supérieures de théâtre et que tout le monde peut y aller, que ce n'est pas payant, que c'est simplement un concours et que ce concours est ouvert à tous et qu'ils y ont droit. Voilà, c'est donc ça, il faut leur dire qu'ils sont légitimes et qu'ils y ont droit et qu'ils sont autorisés, parce que parfois même ils ne s'autorisent pas parce qu'ils disent mais c'est pas pour nous ces lieux-là, et leur dire que c'est pour eux. Tu peux passer 2 heures à chercher des rôles et à voir que tout est destiné à un acteur soit blanc, soit blond aux yeux bleus, soit comme ci comme ça. Après peut-être que je cherche mal. Franchement, je pense que c'est ça, parce que à la masterclass, la plupart des gens me disent « Mais si, fais du théâtre, fais du cinéma, tu vois, il y a plein de rôles pour vous en ce moment. » Et puis les gens, ils regardent plus trop, soit les blagues, ce truc. Peut-être, mais moi, j'ai pas encore vu ce côté-là, ou du moins, il est pas encore arrivé à moi. Et donc ouais, je le vois. J'y fais pas forcément attention, mais je le vois quand même, ouais. J'aimerais dire que ça me choque pas, et c'est ça le pire, justement. C'est le fait que ça me choque pas. Ça veut dire que c'est devenu normal aujourd'hui que voilà, qu'on entre dans un théâtre et que la majorité soit des blancs. Que sur scène aussi, une grande partie soit des blancs. Que par exemple, quand je passe le concours, moi, bah, la masterclass, on était peut-être 3 noirs sur 100 ou 200 participants, je sais plus. Et tout ça, c'est devenu normal, quoi. Et nous, quand on arrive, ça nous choque un peu. On se dit, putain, on est seul noir, voilà, on rigole. Mais on peut pas en faire toute une histoire, quoi, limite, c'est ça. Et c'est cette banalité-là ou cette normalité-là qui, moi, me choque personnellement. Où je me dis, ah ouais, quand même, ça me dérange même plus, quoi, en fait. J'ai limite l'habitude d'arriver dans des endroits où, comme là, actuellement, on passe les concours, et d'arriver au lieu des concours et de voir que, des fois, même, t'es le seul noir, quoi. T'es le seul black. Et t'es... À la fois, t'es fier de toi, de ce côté, ouais, je viens de loin, maintenant, je suis là, mais à la fois, tu dis... C'est con parce que les gens qui sont autour de moi, de la même couleur de peau, même différents, ils sont genre super forts, quoi. Et ils méritent leur place ici, tout dans les autres. Donc à la fois, est-ce que c'est un problème d'information? Est-ce que c'est un problème de monde? Ou c'est plus le monde des blancs? Enfin, j'abuse quand je dis ça, mais je stéréotype un peu. Ou c'est plus le monde des blancs, où eux font du théâtre et tout ça. Il y a le monde des noirs qui font peut-être plus de la musique ou du rap. Enfin, je dis peut-être des bêtises, hein, mais est-ce que c'est ça? Ou est-ce que c'est nous-mêmes qui nous mettons des barrières? Non, je peux pas aller au théâtre parce que c'est pas pour nous, c'est pour les bourgeois, c'est pour les chics. Est-ce que c'est économique? Est-ce que j'ai pas assez d'argent pour y aller? Je sais pas. Mais ouais, c'est choquant, c'est choquant. Sinon, ça met des frontières dans la tête, hein, et c'est réel. Les gens se disent, non, c'est pas fait pour moi. Quand C'est bizarre, mais aujourd'hui, quand on dit théâtre, le mot même théâtre, c'est connoté. Je sais pas si vous vous en rendez compte, quand on dit théâtre, quand les jeunes nous regardent, en mode, mais c'est pas pour nous, ça, c'est pour les Blancs. Bah là, je sais pas l'affaire, hein. Ouais, ça marche. D'accord. Merci beaucoup. Parce que là, c'est... Non, et on se revoit... Non, pas sur cette scène-là. On se revoit... Un certain nombre sont déjà à l'affût, effectivement, de casting, d'auditions, à la télé, au cinéma. Alors, il y en a beaucoup en télé, par exemple, où, effectivement, c'est vraiment des emplois. Donc, on a eu des retours de jeunes comédiennes de cette année assez durs. Une jeune fille qu'on ne trouvait pas, entre guillemets, assez arabe. Par exemple, alors qu'elle l'est, mais pas assez typée, voilà. Donc, elle est revenue extrêmement troublée, pour pas dire plus. Donc là, effectivement, nous, on doit être là pour recevoir cette parole-là, pour être dans l'échange et pour dire qu'il y a aussi d'autres espaces quand même de travail et de création, mais que le chemin va être difficile. Déjà, le chemin est difficile quand on est comédien, de toute façon. Marcel, au monde, tu me dis dans ta dernière lettre. Ma tête éclate, mon cœur dépaille. S'il te pend, si je te perds, j'en mourrai. Tu vivras, ma femme. Mon souvenir, comme une fumée noire, se dispersera dans le vent. Tu vivras, seul, je le roue de mon cœur. Stanislas Nordet, vous avez initié, en tant que directeur du Théâtre National de Strasbourg, le programme Premier Acte en 2014. Car le théâtre français est quelque peu bloqué. J'étais étonné quand j'ai initié le programme de voir finalement qu'il y avait peu de mes collègues qui se posaient cette question de l'absence sur les plateaux théâtre et donc dans les salles aussi, parce que c'est ça qui est intéressant. Les scènes de théâtre sont désespérément blanches, je dis pas qu'il faut pas qu'il y ait de blanc quand je dis désespérément, et les salles de théâtre sont désespérément blanches aussi. Dans le théâtre français, on sort à peine aujourd'hui de la question des emplois. C'est-à-dire, il y a peu de temps encore, à la Comédie française, d'une jeune fille qui était un peu ronde, elle jouait les servantes toute sa vie. Une jeune fille un peu mince et blonde, elle jouait Ophélie toute sa vie. Donc évidemment, aujourd'hui, au contraire, par exemple, du monde anglo-saxon, hein, c'est-à-dire que ça ne gêne personne à Londres qu'on monte le Roi Lear avec un Roi Lear qui est blanc, et les trois filles, l'une serait pakistanaise, l'autre aurait la peau noire et l'autre serait blanche. Ça ne gêne personne, ni dans le public, ni dans les professionnels. En France, on n'a pas franchi cette chose-là. Et même les metteurs en scène, en discutant avec les metteurs en scène, parfois les metteurs en scène disent « Oui, mais moi, si j'engage un acteur noir, il faut que ce soit dramaturgiquement juste, donc que ce soit pour jouer un acteur, un personnage noir. » Ce qui est totalement absurde, à mon sens. Donc, on porte le poids d'une tradition. Et puis, plus largement, je pense aussi, on porte le retard de notre société à tous les niveaux. Ce qui est grave, à mon sens, c'est que théoriquement, dans le domaine de l'art, de la culture, on devrait être en avance sur un certain nombre de choses, et que là, c'est pas le cas. Un camp s'est ouvert où chuchote-t-on, on torture ceux qui ont l'audace de critiquer Sékou Touré. Et Condé, grâce à Sékou Kaba, il a été bombardé directeur du Théâtre National. Titre ronflant qui ne recouvre aucune autorité. Il dispose tout juste d'un bureau au ministère de la Culture. Son salaire est encore plus insignifiant que le mien. N'ayant pratiquement rien à faire à son bureau... Il y a une corrélation entre être issu d'un milieu populaire, descendant enfants d'ouvriers ou de chômeurs, et être racisé. Eva Doumbia. Comme le théâtre français est un art élitiste, bourgeois, où on retrouve en fait les mêmes mécanismes que dans le reste de la société, évidemment, on va avoir très peu de personnes racisées et issues d'un milieu populaire sur les plateaux de théâtre et surtout à la tête des créations. Même si les écoles sont gratuites, faire une école nationale, c'est cher. Surtout si elle est à Paris. Ce n'est pas un problème pour le public issu des classes populaires, parce que de toute manière, il n'y va pas au théâtre. Il ne se dit pas, tiens, les gens ne se lèvent pas en se disant, j'irai bien au théâtre, mais je ne suis pas représenté sur scène. Non, ils ne vont pas au théâtre. Donc c'est plutôt un problème pour la survie de cette discipline, où le public est de plus en plus vieux et rare. Donc il y a, dans le cadre de la formation, des choses qui sont initiées. Je pense au programme de la Comédie Saint-Étienne, à Premier Acte, à la classe de Bobigny, mais c'est pas suffisant. Parce qu'en plus, je pense que, étant donné que ça vient du sommet, ces initiatives, elles prennent pas en compte les réels besoins de la société française de manière horizontale. Et du coup, ça prive, à mon sens, hein, le théâtre français d'un renouvellement des formes. C'est-à-dire qu'on est quand même dans quelque chose qui reste bourgeois, s'adressant aux bourgeois. On a besoin d'avoir des figures qui représentent l'autre, l'immigré, le pauvre. Donc on le forme, on forme des gens qui puissent incarner ça, puisque maintenant la société a changé, donc il faut qu'on puisse représenter ça. Mais ça ne laisse pas la possibilité à cet art qui est vieux que les esthétiques s'imprègnent de ce qui peut arriver d'ailleurs. Je pense par exemple très précisément au phrasé, à la manière de dire. Par exemple, là on est à Marseille. Moi, je me suis aperçue, par exemple, en tant que metteuse en scène, que je demandais aux gens d'enlever l'accent. Et au bout d'un moment, je me suis dit, non, mais c'est pas possible. C'est pas possible, en fait, parce que personne dans cette ville ne parle comme je te demande de parler. Donc, du coup, on fait tout un travail, en fait. Même moi, je me fais un travail de décolonisation, moi-même, en tant qu'artiste, pour arriver à sortir de ces codes, qui sont des codes que j'ai appris, qui ne sont pas naturels, pour permettre aussi une popularisation et un renouvellement des formes de l'art dramatique. Je hais toute votre abominable famille de Borgia! Et vous, la toute première! Vous! Vous que je suis follement aimé! Mais ainsi, tu ne sais rien de ta famille. Je sais que j'ai une mère qui est malheureuse. Et que je donnerai ma vie dans ce monde pour l'avoir pleuré. Et ma vie dans l'autre pour l'avoir souri. Alors, Gennaro, dis-nous, où en es-tu de ton amourette avec Lucrèce Borgia? Mais Seigneur, si vous me parlez... Il n'y a aucune raison que David Bobet, qu'un acteur soit catégorisé à l'endroit de sa couleur de peau. Je veux dire, sur mon travail, j'en ai entendu tellement toute ma vie sur ton théâtre est très très bien, mais quand est-ce que tu travailles avec des vrais acteurs? Ou alors sur un autre spectacle, c'est bien d'avoir travaillé avec des acteurs comme ça, black, on dira black, hein, pour ne jamais dire noir, parce qu'on a peur de dire noir, parce qu'ils sont très difficiles à canaliser. Je l'ai entendu mais tellement de fois, et là t'as bien réussi à les diriger, ou alors on ne les comprend pas, il faut vraiment qu'ils fassent un effort d'articulation. C'est des grands acteurs, hein. C'est des grands acteurs qui sont passés par des belles formations, enfin, qui sont des stars dans leur pays, quand ils viennent de l'étranger. Je travaille avec des gens vraiment admirables à bien des égards. D'abord parce qu'ils font leur métier très très bien, mais en plus parce qu'ils ont survécu en France. Et en fait, c'est la question de la langue, en fait. C'est cette question d'un théâtre qui est conservatoire, d'une certaine langue, d'une certaine culture. Une langue qui est le français normalisé, qui est le français qu'on parle à Montréal, qui est le français qu'on parle à Bruxelles, mais seulement sur les scènes de théâtre. C'est même pas l'accent parisien, c'est l'accent de théâtre. C'est la façon dont on l'enseigne dans les écoles, peut-être de moins en moins, et heureusement. Mais en tout cas, il y a encore cette chose-là qui fait que on peut pas. Déjà que les codes sont pas toujours faciles à partager, mais en plus, lorsque ce français-là se pose, ça met d'office à la porte toute une partie du public. Et à force que des gens de différentes origines entrent dans les théâtres et ne voient sur les scènes que des blancs, des metteurs et des metteuses en scène blancs, des équipes dans les théâtres blancs, des directeurs et des directrices blancs qui racontent des récits blancs d'auteurs et d'autrices, d'auteurs surtout quand même, faut dire ce qui est blanc. Enfin, un moment avec ce français qui est blanchi, qui est neutralisé. Normaliser, c'est quoi la norme, quoi? S'il y a norme, ça veut dire qu'il y a périphérie. Cette périphérie, on va l'appeler diversité. Un espèce de sac qu'on met au banc de la société dans lequel on va mettre les noirs, les arabes, les asiatiques, tout ce qui est un petit peu différent, les gays, les trans, pourquoi pas les femmes, quoi. Mais j'aime aussi l'idée que un public blanc peut aussi se sentir représenté par quelqu'un qui serait noir. D'un coup, socialement, il sera plus facile d'agir après si la population n'a pas cette barrière et cette limite. Imbécile! Vous vous couperez également la gorge demain matin, avec des épées. Voilà, moi je crois, j'aime cet exemple, parce que une fois devant Lucrèce Borgia, que j'ai mis en scène il y a peu, j'avais devant moi un petit jeune qui venait, je sais pas, d'un quartier avec son groupe, et à côté une petite mamie... qui était là, elle, venant voir Victor Hugo, et lui, un peu, emmené avec son école, quoi. Et puis, le gamin se sent dit sur scène, entend, voit de la danse hip-hop au milieu d'une pièce de théâtre, voit une façon de parler qui n'est pas la façon de parler chichiteuse, neutralisée, excluante qu'on peut présenter au théâtre habituellement. un spectacle qui utilise les codes d'aujourd'hui. Et puis la petite dame à côté voit un Victor Hugo dont elle retrouve la verdeur du romantisme qu'elle connaît, une espèce d'énergie comme ça, une fougue de jeunesse. Et puis les deux se lèvent à la fin et se mettent à applaudir en même temps le même objet. Et finalement, elle applaudira un spectacle transdisciplinaire, assez contemporain dans les codes, avec de la présence de danse contemporaine ivoirienne, avec la présence de hip-hop, et donc va se déplacer, et lui, le gamin, bah mine de rien, il applaudit Victor Hugo, et à partir de ce moment-là, Victor Hugo fait partie de sa culture, et pour toujours. Bah, cette espèce de lien-là, il est quand même assez capital, enfin, c'est en tout cas pour moi une des grandes fonctions du théâtre. Qu'est-ce qu'il faudrait faire d'autre, au-delà de premier acte? Quels seraient les autres? Parce que j'imagine qu'il y a une responsabilité aussi des metteurs en scène. Comment faire bouger les mentalités, Stanislas Nordet? Il faudrait qu'on prenne tous les metteurs en scène du théâtre public, tous les cinéastes en activité, et puis qu'on leur fasse des working class où on leur raconte la nécessité de faire partir les barrières. Parce que ça vient aussi beaucoup de l'imaginaire des metteurs en scène qui est bloqué. Ce qui nous arrive n'est pas grave. Le pire, c'est de porter en soi la prison. La plupart des hommes en sont là, des hommes honnêtes, laborieux. Et bon. Il y a 3 ans, au concours d'entrée du TNS, je parle des candidats qui veulent rentrer au TNS, il y avait une 20aine de jeunes gens issus de la diversité qui se présentaient au concours. Maintenant, il y en a entre 100 et 150. Donc ça veut dire aussi que ça a débloqué le verrou chez ces jeunes gens de « oui, c'est un métier que je peux faire ». Faire entrer ces jeunes gens dans les écoles. Dans les écoles de théâtre en France, il y a beaucoup de jeunes metteurs en scène qui sont parmi les élèves. Donc plus il va y avoir des jeunes gens de la diversité qui vont intégrer les grandes écoles, plus ils vont bosser avec leurs copains pour construire quelque chose qui, disons, en rêvant un peu, dans 6 ou 7 ans, commencera à vraiment changer notre regard sur ce qui se passe sur les scènes. Après, il faut maintenant qu'ils aient du talent et puis qu'ils gagnent, à la force de leur talent, leur place sur les scènes de théâtre. Ça, c'est encore une autre chose. Ça ne suffit pas d'être issu de la diversité pour avoir du talent quand on est acteur. Et là, maintenant, c'est à eux de jouer dans la période suivante. Mais en tout cas, oui, ça bouge très concrètement. Ça porte ses fruits. Ouais, moi je suis plus du genre à faire les choses plutôt qu'à attendre qu'on les fasse pour moi, donc je vais faire les choses pour moi-même. S'il faut tourner des vidéos ou mettre mes films ou mes productions, je le ferai. Et comme ça, même pour les gens derrière et les gens qui sont déjà là, ils verront que ça peut marcher aussi avec des noirs. Qu'il faut pas être noir ou blanc ou arabe pour être bon au théâtre ou au cinéma. Et faut pas être blanc forcément ou n'importe quelle couleur pour voir que ça marche pas nous aussi. Parce que ça va dans les deux sens en fait. Donc ouais, j'attendrai pas, non. J'attendrai pas qu'on fasse les choses pour moi, je les ferai tout seul. Par exemple, pour faire un casting au cinéma, déjà pour que tu sois pris dans un casting, il faut que tu en aies déjà fait avant, il faut qu'on t'ait déjà vu à l'image. Sauf que si tu fais un casting, c'est que, par exemple, quand tu viens de débuter, si tu fais un casting, c'est que t'as pas eu encore d'image, donc c'est un cercle vicieux, donc faut avoir un agent qui connaisse un directeur de casting pour tout ce truc. Donc ensemble, on s'est dit, bah écoutez, on va faire des vidéos, on va faire des petits courts-métrages, ou voilà, on va apparaître dedans et on va les balancer. Voilà. Donc il y a ceux qui se débrouillent et ceux qui attendent. Moi et même toute la masterclass et toutes les personnes qui m'entourent, on se débrouille beaucoup. Et on va changer les choses. J'en suis persuadé. Around the sun, I need revolution as time revolves. Around season, I need revolution as nature revolves. Around the earth, I need a revolution, I need. Décoloniser l'imaginaire du théâtre français. Avec Stanislas Nordet, Eva Doumbia, Nicolas Bigard, Francis Tambois, Yasmine Modestine, David Bobet et Sylvie Chalaï. Archivina, Nathalie Durand. Prise de son, Clémence Bonfils et Jean-Pierre Pernel. Mixage, Bernard Lagnel. Un documentaire de Stéphane Bonnefoy, réalisé par Anna Schmuck. LSD, pour aujourd'hui, c'est terminé. Bibliographie, lien ou pour nous réécouter au théâtre, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marie-Vonne Bolivier, Mathias Mégy et Annelise Signoret. Vous pouvez aussi nous podcaster sur l'application Radio France et la plupart des plateformes, nous trouver sur la page Facebook de France Culture, nous suivre sur Twitter et même sur Instagram. Et pendant encore une semaine, pour prolonger la semaine consacrée à la police et à la violence, vous pouvez regarder gratuitement sur la plateforme du documentaire Tank, notre partenaire, le film Dossier Plogoff de François Jacquemin. Il y a un lien tout exprès sur la page de l'émission. Demain, deuxième épisode, à la recherche des personnages noirs dans le cinéma français. Mais en attendant, restez à l'écoute.